Maldon par André Lichtenberger. Assise devant le grand bureau qui avait été celui de son père, Clotilde, la plume à la main, compulsait gravement les chiffres de son livre de compte. C'était un des soins réguliers et invariables auxquels elle consacrait quotidiennement ses matinées, et elle y apportait l'attention régulière et sûre qu'elle mettait en toutes choses. Il n'y avait ni tache ni rature, et les chiffres se succédaient irréprochablement moulés. Elle accomplissait cette besogne comme tout autre, sans ennui, parce qu'il fallait le faire, et qu'elle ne concevait pas qu'il pût en être autrement. Depuis 4 ans que sa mère avait suivi de si près son père dans la tombe, elle avait ainsi assumé très simplement et sans réfléchir toutes les lourdes charges de maîtresse de maison et de chef de famille. Elle s'acquittait de sa tâche avec un courage calme, paisible et sûr, sans tristesse et sans découragement, ne voulant pas qu'une étrangère s'assît à son foyer entre elle et sa jeune sœur Thérèse. Tout à coup, à sa grande surprise, Clotilde s'aperçut qu'elle était en train de rêver sur son cahier, et qu'au lieu d'additionner, sa plume avait tracé sur le papier blanc une sorte de petit gribouillage fantaisiste. Elle rougit toute seule comme une écolière prise en faute, déposa son porte-plume sur l'encrier, saisit son canif et gratta soigneusement jusqu'à ce qu'il n'y eût plus trace de sa distraction. Alors elle reprit la plume et se replongea dans ses calculs. Elle allait terminer une longue addition quand, soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Malgré elle, elle tressaillit, perdit le fil. Tout serait à recommencer. Elle se retourna avec un geste d'impatience, mais un sourire de tendresse vint illuminer d'une clarté douce son paisible visage quand elle aperçut debout, dans l'embrasure de la porte, la gracieuse silhouette de Thérèse. Un chapeau de feutre rouge planté à la diable sur ses cheveux noirs, un tablier à carreaux noué à la taille, un panier d'osier au bras, elle disputait en riant le bas de ses jupes à son caniche Nello, qui gambadait en tâchant de les mordiller pour l'entraîner plus vite au jardin. Et le contraste était frappant entre les deux sœurs, la jeune fille brune et rose, éclatante dans la jeunesse et la fraîcheur de ses 18 ans, pareille à la fée friponne, alerte et mutine du jardin printanier, et l'autre, Clotilde, paraissant presque plus âgée que ses 25 ans, assise au milieu de ses papiers, le visage pensif, les traits fins, le teint blanc, les cheveux blonds cendrés et les yeux gris. Dans toute l'attitude, quelque chose de très doux et d'un peu alangui. Il y avait pourtant une ressemblance entre les deux jeunes filles, la tendresse profonde et parfaite qui se lisait dans leurs yeux, tandis qu'elles se regardaient. Clotilde, le doigt levé en l'air comme pour gronder, et Thérèse, immobile dans la porte, avec une moue confuse d'enfant, effarée et souriant. « Oh, Clotilde, je t'ai dérangée !» La sœur aînée sourit aussi et hocha la tête. « Épouvantablement. Pour te punir, viens m'embrasser. Tu vas au jardin ?» Déjà Thérèse avait les bras passés autour du cou de sa sœur et la serrait à l'étouffer, oublieuse d'échappement de Nello. Oui, elle allait faire un tour au jardin, tailler quelques rosiers et se donner l'illusion d'être une jardinière très entendue. Elle rapporterait de pleines brassées de fleurs pour égayer la salle à manger et le petit salon. Comme ça, quand M. Paul viendra, tout sera en fête pour le recevoir. Une petite ombre passa sur le visage de Clotilde, mais elle répondit simplement. « Tu tiens donc bien, chérie, à ce que nous l'éblouissions ?» Thérèse baissa les yeux comme si elle ne voulait pas qu'on y vît quelque chose, émotion ou malice. « Je crois que c'est déjà fait. » On eût dit que le sourire de Clotilde était devenu plus contraint. Elle y avait au coin de sa lèvre comme un tremblement imperceptible. Maintenant, c'était elle dont les paupières étaient baissées, et Thérèse, tout à coup, sachant qu'elle n'était pas vue, la regardait aussi avec une expression changée, indéfinissablement joyeuse et émue. Il y eut un moment de silence. Un éclair passa dans les yeux de Thérèse, et elle ouvrit la bouche pour parler. Mais elle se ravisa, donna une petite tape à Nello, puis, secouant la tête, demanda « Tu n'as pas oublié, Clotilde, que c'est tout à l'heure qu'il doit venir te parler ?» Clotilde dit de sa voix limpide « Non, chérie, je n'ai pas oublié. » Et son regard lumineux et droit alla caresser sa sœur. « Est-ce que tu ne te fais pas plus belle en son honneur ?»« À quoi bon ?» dit Clotilde. Et comme si elle se reprochait d'avoir mis un peu de sécheresse dans sa réponse, elle ajouta « Ne suis-je pas comme tous les jours ? Je n'ai jamais fait toilette pour le recevoir. » Peut-être n'était-ce pas tout à fait exact. il y a un mois encore, quand M. Paul devait venir, Clotilde mettait une fleur dans ses cheveux ou ajoutait une dentelle à son corsage. Mais depuis un mois, elle ne le faisait plus. Sans doute, elle avait oublié. Maintenant, Clotilde s'était retournée et elle était très absorbée, le nez sur son papier noirci. Aussi, dit-elle sans relever la tête, « Adieu donc, chérie. Il me faut finir avant qu'il arrive. À tout à l'heure. » En deux bonds, Thérèse était à la porte. Brusquement, elle s'arrêta avant de sortir et de nouveau, elle hésita si elle parlerait. Mais non, il valait mieux se taire. Elle envoya d'une main un baiser au dos de sa sœur et, appelant Nello qui bondissait jusqu'à son épaule, elle s'élança avec lui au jardin. Cependant, Clotilde s'était remise à aligner ses chiffres. Poulet, bougie, pétrole. Qu'avait-elle donc aujourd'hui? Voilà trois fois qu'elle recommençait la même addition, pour arriver à un total différent. On eût dit que les chiffres dansaient. Elle avait beau s'appliquer, tout s'embrouillait. En vain, elle tendait davantage son esprit. C'était comme si toutes sortes de choses venaient grouiller entre elle et son papier. À la fin, découragée, Clotilde repoussa le cahier et se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Décidément, il n'y avait pas moyen. Quoi qu'elle fît, elle n'arriverait à rien du tout. Ce n'était pas la peine de s'entêter. Elle avait sans doute un peu de migraine. Bon, pourquoi s'épargner? La vérité était qu'elle se sentait énervée et quinteuse. Elle se gronda. Eh, quoi? Était-ce là la joie et la douce émotion qu'elle aurait dû ressentir le jour où le bonheur de sa sœur allait se décider? Malgré elle, la poitrine de Clotilde se souleva dans un grand soupir. Elle essuya son porte-plume, ferma son cahier et le replaça dans le tiroir dont elle tourna la clé. Après tout, c'était une grande journée. Elle pouvait bien se donner vacances. Quand la chose serait faite, quand on n'aurait plus devant soi cette perspective troublante, il serait plus facile de se remettre à la besogne et de chasser les papillons noirs. Tout à l'heure, il faudrait être bien maître de soi. Cela importait encore plus que les comptes du ménage, puisqu'il s'agissait de choses si graves. Et Clotilde, tournée vers la fenêtre, mais regardant ce qui s'agitait en elle-même, se mit à se rappeler les choses qui s'étaient passées et à prévoir celles qui allaient venir. Hier soir, avant d'aller se coucher, Thérèse, rougissante et embarrassée, s'était penchée sur son épaule, et elle lui avait murmuré à l'oreille « Demain matin, chérie, M. Paul viendra te voir. Il te parlera de choses très sérieuses, et je te supplie de dire oui à ce qu'il te demandera. » Alors Clotilde avait regardé sa petite sœur bien en face, et elle avait répondu « Je dirai ce que tu voudras. » Et elle lui avait rendu son baiser encore plus tendrement que de coutume. Seulement, elle n'avait presque pas fermé l'œil de la nuit, et ce matin, elle se sentait brisée et épuisée comme après une très grande fatigue. Et de se trouver ainsi, elle s'indigna contre elle-même. Et quoi, ne savait-elle pas mieux réagir contre un malaise absurde au moment où sa sœur allait être demandée en mariage par l'homme que Clotilde elle-même jugeait préférable et supérieur à tout autre? Ou, par conséquent, son avenir serait assuré par la plus désirable des unions? Clotilde se jugea sévèrement et résolut de regarder au fond d'elle-même. N'y avait-il pas quelque obscure jalousie, quelque égoïste amertume de voir sa jeune sœur se marier tandis qu'elle-même resterait vieille fille? Loyalement, elle examina son cœur et se rendit la justice qu'elle n'était point jalouse. Non. Quelque exigeante qu'elle fût pour elle-même, elle pouvait s'avouer que c'était bien grâce à elle que le cousin Paul, jadis si chéri des parents disparus, allait épouser une de leurs filles. Non. Elle n'avait aucun sentiment mauvais. Elle était seulement un peu triste. Était-il vraiment coupable en ce jour de faire un petit retour sur elle-même et d'avoir un peu de pitié pour sa propre personne? Mais non. Certainement, Clotilde avait bien le droit de penser à tout le changement qui allait survenir dans sa vie, pourvu, bien entendu, qu'elle y pensât de manière à en prendre son parti et à s'accoutumer à ce qui devait être. Mais sans doute ce serait plus aisé qu'on aurait pu le croire. Clotilde n'avait jamais été habituée à beaucoup vivre pour elle-même. Tout enfant encore, le culte de ses parents pour Thérèse l'avait accoutumée à s'oublier elle-même. À 20 ans, au milieu de sa douleur, elle ne s'était pas sentie le droit de s'y livrer, puisqu'il fallait qu'elle fût le chef de la famille. Quand Thérèse avait eu l'an dernier la fièvre typhoïde, elle était restée debout 22 nuits pour la soigner. Elle avait débattu les affaires avec le notaire, conclu des baux avec les fermiers. Elle prendrait bien, puisqu'il le fallait, l'habitude aussi de vivre seule. En somme, c'était, depuis si loin qu'elle se souvenait, une vérité établie qu'elle était une chose secondaire et que tout devait se concentrer sur Thérèse. C'était Thérèse qui devait être joyeuse et jeune et jolie, et tout ce qui lui arriverait d'heureux suffirait pour illuminer la vie de sa sœur. Clotilde ne s'était jamais préoccupée d'elle-même qu'autant qu'il était nécessaire pour qu'elle ne vînt pas manquer à Thérèse. Et elle aimait les gens et les choses en raison des satisfactions qu'ils pouvaient procurer à celle-ci. Elle chérissait les fleurs d'avoir l'éclat de son teint, les fruits parce qu'elle les cueillait, le soleil parce qu'il étincelait adorablement dans ses cheveux. Thérèse était sa gloire, Thérèse était son égoïsme. Et pourtant, vraiment, en une occasion au moins, n'avait-elle pas pensé à elle, Clotilde, beaucoup plus qu'à Thérèse? Si, il fallait bien se l'avouer. Elle, Clotilde, elle avait été personnelle et égoïste, et il était juste qu'elle en fût punie. Quand M. Paul, de retour dans la petite ville, était venu les voir, et qu'en sa qualité de parent éloigné, il avait peu à peu rapproché et multiplié ses visites, ce n'était pas parce qu'il plaisait à Thérèse qu'elle avait tenu à ce qu'il fût souvent auprès d'elle. C'était parce qu'il lui plaisait à elle-même. Au commencement, Thérèse ne l'aimait guère. Il l'effarouchait et l'ennuyait. Elle le jugeait un peu lourd et un peu campagnard et se moquait de lui. C'était Clotilde seule qui avait d'abord apprécié toute sa bonté et toute sa douceur loyale. Il parlait avec tendresse et respect des chers parents disparus qu'il avait tant connus dans son enfance. Il racontait simplement beaucoup de choses qu'il avait vues et passait légèrement sur celles où il avait joué un rôle. Ses jugements étaient droits et sensés, et l'on devinait chez lui, sous une rudesse apparente, une exquise délicatesse d'âme, une timidité d'enfant et des raffinements très subtils. En très peu de temps, ses visites, maintenant presque quotidiennes, étaient devenues pour Clotilde un plaisir très doux et très fort. Elle, si silencieuse d'habitude, se laissait aller à bavarder avec lui et surtout, elle l'écoutait parler indéfiniment avec ravissement. Ainsi, des semaines charmantes s'étaient écoulées, surtout depuis que Thérèse aussi prenait sa part dans leurs entretiens. D'abord, elle y bâillait presque. Sa pétulance et sa jeunesse s'ennuyaient de la gravité de celui qu'elle appelait le bonhomme. Peu à peu, sa bonté pénétrante, l'influence patiente et persévérante de Clotilde l'avaient conquise. Elle s'était habituée à dire son mot dans leurs causeries, à y semer des idées inattendues et des éclats de rire. D'abord, M. Paul n'avait pas fait grande attention à elle, et il la traitait avec un peu de gêne, comme une enfant terrible ou un petit animal dangereux. Puis, peu à peu, il s'était rapproché d'elle, s'était amusé à la taquiner, à la faire rire, s'exclamer, s'indigner, et de fil en aiguille, on ne savait comment, voici que ces derniers temps il avait semblé à Clotilde que maintenant c'était elle qui était devenue l'accessoire, un accessoire qui, quelquefois, était presque de trop. Oui, M. Paul ne s'adressait pour ainsi dire plus à elle. Il semblait être gêné avec elle, éviter son regard. C'était toujours vers Thérèse qu'il se tournait, et c'était toujours celle-ci dont la parole joyeuse et sonore faisait vibrer les vieilles cloisons. Et Clotilde souffrit cruellement en se rappelant quel mauvais sentiment l'avait envahi. Un soir, elle avait été saisie d'une espèce de rage folle, de frénésie jalouse, à se dire qu'elle était devenue indifférente à cet homme, qu'il n'avait plus Dieu que pour cette fillette étourdie, qui d'abord n'avait su que le railler, qui ne l'aurait sans doute jamais apprécié si elle, Clotilde, ne les avait rapprochés. Un soir, elle s'était jetée sur son lit, en sanglotant, en gémissant, en mordant son oreiller, pleine de haine, de fureur, d'atrocité. Et puis, elle avait pu prier très longtemps. Et le lendemain matin, elle avait compris ce qui était son devoir. Visiblement, M. Paul aimait Thérèse. Et non moins visiblement, elle était attirée vers lui. Or, il n'y avait point dans la petite ville de meilleur parti pour la jeune fille. Non seulement il avait de la fortune, mais c'était un homme excellent, celui-là même que les parents disparus auraient sans doute souhaité pour gendre. Peut-être une femme plus âgée, d'un esprit plus sérieux, aurait paru mieux convenir à M. Paul. Peut-être aussi il y avait dans Thérèse quelque chose d'un peu trop enfantin et de trop exubérant. Mais qu'importe. La gaieté de l'une illuminerait la gravité de l'autre qui, à son tour, réagirait sur elle. Et d'ailleurs, Clotilde ne serait-elle pas là pour veiller discrètement sur leur bonheur, pour empêcher les malentendus, pour cimenter l'union profonde de leur cœur? Et avec une douceur patiente, Clotilde s'était mise à la tâche qu'elle s'était assignée. Jamais elle n'avait permis à son souvenir de lui rappeler quelques songes qu'elle avait peut-être formés jadis. Elle s'était appliquée tout entière à ce que Thérèse aimât M. Paul et à ce que M. Paul aimât Thérèse. Elle s'y était appliquée sans voir si son cœur ne saignait pas, sans écouter s'il ne montait pas des plaintes et des gémissements des fibres les plus intimes de son âme. Jamais aucun des deux jeunes gens ne lui avait fait d'aveu, mais elle comprenait pourtant qu'elle avait réussi dans son entreprise. Depuis quelque temps surtout, elle remarquait entre eux des airs d'intelligence, et ils s'entendaient à demi-mot. Leur silence même était parlant. Rentrait-elle dans la chambre après quelques secondes d'absence, elle sentait qu'elle arrêtait une conversation, qu'elle les mettait dans l'embarras. Quand par hasard elle restait seule avec M. Paul, il était presque muet, ou lui tenait des discours gauches et embarrassés, comme s'il avait eu sur les lèvres des paroles qu'il ne pouvait pas dire. Et dans leur tranquille soirée en tête à tête, Thérèse aussi avait quelque chose de changé. Sans doute elle n'avait perdu ni son entrain ni la gaieté. Et Clotilde en eût été choquée si quelque chose de sa sœur eût pu la choquer. Mais quelquefois, elle avait l'air pensif ou absorbé, comme ruminant un problème compliqué, ou bien elle étouffait sa sœur de ses baisers dans des accès de tendresse. Plusieurs fois, Clotilde s'était demandé s'il ne serait pas de son devoir de parler à M. Paul ou à Thérèse, pour éviter que cette situation ne se prolongeât, pour empêcher que l'assiduité du jeune homme ne soulevât des commérages. Mais il lui semblait que ce serait horriblement difficile, que cela lui ferait très mal et que peut-être elle n'arriverait pas au bout des discours qu'il faudrait tenir. Qui sait si, voulant le bien, elle ne ferait pas le mal? Aussi, par une lâcheté qu'elle se reprochait, elle remettait chaque jour. Mais hier soir, Thérèse lui avait parlé, et ses paroles tintaient sans cesse à l'oreille de Clotilde. Oui, d'abord, cela lui avait fait beaucoup de mal. Maintenant, cela allait mieux. Tout à l'heure, elle souffrirait encore, mais ensuite, la dent arrachée, la gencive se cicatriserait peu à peu. Pendant les fiançailles, sans doute, elle aurait besoin de courage. Eh bien, elle en trouverait. Après le mariage, très complètement pour ne pas les gêner, très doucement pour ne pas les peiner, elle s'éloignerait, elle s'effacerait, elle disparaîtrait, et de loin, elle serait très heureuse de les voir heureux. Ainsi, ce serait parfait, absolument parfait. Clotilde sentait le sang lui battre aux tempes et, se regardant dans la glace, elle se trouva rouge. Il ne fallait pas qu'elle eût un autre air que tous les jours. Elle se leva, alla à la fenêtre et l'ouvrit. La chambre au rez-de-chaussée était presque de plein pied avec le jardin. Un parfum de soleil, de fraîcheur et de verdure arriva jusqu'à elle. Elle respira à plein poumon, la poitrine dilatée. Mais oui, tout irait bien. Comme Thérèse serait une jolie mariée. Distrait et paisible, le regard de Clotilde errait parmi les pelouses, les rosiers, le petit ruisseau, les buissons en fleurs, les bosquets. Tout à coup, elle eut un frémissement et se rejeta légèrement en arrière, l'œil fixe. Dans le bosquet, il y avait deux silhouettes. L'une était celle d'un jeune homme, un chapeau rouge brillait sur la tête de l'autre. Elles firent quelques pas. Maintenant, Thérèse et M. Paul étaient en pleine lumière. Ils étaient trop loin pour qu'on entendît leurs paroles, mais visiblement, ils causaient avec animation. Thérèse avait de grands gestes et, un moment, elle posa sa main sur le bras du jeune homme. M. Paul la fixait, puis baissait les yeux et grattait la terre du bout de sa canne. Immobile, Clotilde regardait toujours, et brusquement, elle se mordit les lèvres si fort qu'il lui sembla qu'elle saignait. Car voici que M. Paul s'était penché vers Thérèse, avait saisi sa main droite entre les deux siennes et puis l'avait portée à ses lèvres où un instant elle était demeurée. Maintenant elle l'avait quitté, il s'avançait vers la maison à grands pas. Thérèse, immobile, le suivait des yeux, l'encourageant par des signes de tête, et au moment où Clotilde entendit son pas sur le perron, elle vit sa sœur lui faire un signe de main qui semblait un baiser envoyé. La sonnette retentissait. Machinalement, Clotilde eut un regard circulaire pour voir si tout était en ordre. Elle repoussa un tiroir, remit une chaise au milieu d'un panneau et regarda sa coiffure dans la glace. Elle y porta la main pour assujettir une épingle et s'irrita de se trouver maintenant très pâle. Elle fut fâchée contre elle-même et résolue de se punir en se faisant très mal et en se forçant d'être gaie. et elle s'avança, le visage souriant et brave, au devant de M. Paul qui entrait. Lui aussi était pâle. Elle s'assit sur le bord de sa chaise d'un air décontenancé, timide et malheureux. Et d'abord ils échangèrent des propos tout à fait banaux. La beauté du temps, la poussière, les journaux, le cirque qui venait d'arriver. Il y avait des silences. M. Paul tordait son chapeau dans ses doigts et de temps en temps il avait une petite toux, comme si quelque chose dans sa gorge le gênait beaucoup. Alors Clotilde se dit que le moment était venu de châtier sa lâcheté et elle articula d'une voix qui ne tremblait presque pas. « Thérèse m'a averti, monsieur, que vous vouliez m'entretenir d'un sujet très grave. » Afin qu'on ne vît pas trop son visage, elle s'était assise le dos tourné à la fenêtre. Et voici qu'ayant encore toussé pour affermir sa voix, M. Paul, tour à tour rouge et blanc, se mit à parler très laborieusement, et Clotilde, immobile, écoutait ses paroles. Ça commença bien comme elle s'y attendait. Oui, il avait à lui présenter une grande requête. Il rappela leur parenté lointaine, leur vieille relation, la sympathie qu'on lui avait montrée, la tristesse de sa solitude, les charmes des deux sœurs. Il parla aussi de sa fortune, du voisinage de leur propriété. Machinalement, Clotilde agitait la tête de haut en bas pour montrer qu'elle entendait. Il sentait que sa bouche souriait toujours. Seulement, il lui semblait qu'une espèce de brouillard montait autour d'elle et que les paroles de M. Paul étaient presque couvertes par un bourdonnement continu. Pour mieux comprendre, elle essaya de le fixer, mais elle le distinguait à peine dans une brume confuse. Et ses paroles en même temps devenaient très singulières, obscures. Voici maintenant qu'elle ne le comprenait presque plus. Non, ça n'avait plus de sens. Évidemment, il disait autre chose que ce qu'il voulait dire. Il prenait certains mots pour d'autres. Clotilde comprit qu'il perdait la tête, qu'il s'égarait, qu'il confondait, qu'il proférait des insanités, qu'il fallait l'interrompre. Elle essaya de parler, de le remettre dans le droit chemin, de l'empêcher de dire des noms absurdes, de continuer des discours ridicules, monstrueux, qui avaient l'air d'une musique perfide, d'un poison caché dans des fleurs embaumées. Seulement, voilà que sa langue était pâteuse, que le brouillard devenait de plus en plus épais et que, d'un mouvement lent et régulier, la chambre et les meubles de M. Paul lui-même se mettaient à tourner si vite qu'il lui fallait se retenir à sa chaise pour ne pas tomber. Et au milieu de tout cela, la voix de M. Paul continuait de parler, suppliante, lointaine et douce. Oh, si douce! Mademoiselle, croyez bien que je sens toute ma témérité. Je la sens si bien que jamais, je crois, je n'aurais osé tenter cette démarche, si ce n'était Mademoiselle Thérèse elle-même qui m'y est encouragée. C'est elle qui m'a assuré que vous ne m'en voudriez pas de vous parler comme je viens de le faire. Tout à l'heure encore, elle me disait toute sa confiance et, plein d'espoir, je baisais la main d'allié qu'elle me tendait. Mais, hélas, maintenant, à vous voir, devant votre silence, je comprends bien que ce que je craignais s'est réalisé, que mon amitié pour moi l'a trompé et que ce n'est que par une folie présomptueuse que j'ai pu croire qu'un jour je pourrais appeler ma femme. Mademoiselle Clotilde. Clotilde. Dans le tourbillon de ses pensées, ce nom tinta comme une cloche d'appel. Mue par un ressort, Clotilde se leva et cria. Clotilde, mais que dites-vous donc? Effarée, M. Paul la contemplait et elle entendait de très loin sa voix qui disait « Mademoiselle, excusez-moi, je ne pensais pas vous blesser. » Mais elle continuait « Thérèse, c'est Thérèse que vous aimez. » Alors, derrière elle, quelque chose cria par la fenêtre ouverte « Comme une belle sœur, Clotilde, comme une belle sœur !» Elle se retourna et vit un chapeau rouge planté sur des cheveux noirs et une main qui agitait un rameau de lilas. Elle regarda de nouveau M. Paul qui ne disait plus rien, mais qui demeurait immobile dans une attitude gauche et anxieuse. Tout se brouilla. Elle eut très chaud et puis très froid. Le brouillard s'épaissit. Tout tourna plus vite avec des éclairs. Et puis Clotilde ne vit plus rien. Quand elle se réveilla, elle était étendue sur la chaise longue. M. Paul la dévorait de ses yeux rouges et épouvantés, tandis que Thérèse, un peu pâle à son tour, mais pourtant souriante, lui frottait les tempes avec de l'eau de Cologne. Elle se souvint et voulut parler, mais Thérèse commanda « Chut !» Et se tournant vers M. Paul, elle dit en riant de son franc rire joyeux et sonore, Eh bien, à la bonne heure, voilà de jolies fiançailles. Fiançailles? Mais non, ce n'était pas possible. Clotilde voulut remuer la main pour faire signe que non. Mais voilà que Thérèse prenait cette main dans la sienne et la déposait dans une autre. Et en même temps, elle se mettait à parler, à dire toutes sortes de choses exquises, qui embaumaient comme des roses, qui enivraient comme une légère liqueur pétillante. Et Clotilde ne pouvait plus remuer sa main prisonnière, trop serrée. « Allons, chérie, dis oui !» Clotilde regarda. Elle regarda tour à tour le visage de M. Paul et le visage de Thérèse. Et elle y vit des masses de choses, tant de choses que ses lèvres faillirent s'entr'ouvrir pour laisser échapper un mot. Elle ne dit rien, pourtant. Mais M. Paul sentit que la petite main qu'il tenait s'abandonnait à la sienne, et Thérèse lut dans les yeux de sa sœur qu'elle consentait. Elle sauta en l'air en criant « Hourra !» ouvrit la porte à Nello impatient qui gémissait, et se mit à appeler Victorine la cuisinière et la bonne Euphrasie pour leur annoncer tout de suite la nouvelle et commander un grand gâteau de fiançailles. Alors Clotilde comprit que vraiment c'était fait, qu'il n'y avait plus rien à dire, qu'elle était fiancée, qu'il fallait qu'elle fût très heureuse, plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Et cette fois-ci elle voulut se lever, parler, dire beaucoup de choses importantes. Elle put seulement se jeter au cou de Thérèse en pleurant de toutes ses forces. Mais Thérèse souriait en caressant ses cheveux, et M. Paul, le cœur gonflé, pensait à ces exquises matinées de printemps, où au milieu des dernières gouttelettes de pluie se lève le soleil radieux qui va illuminer les campagnes et les remplir de fleurs, de joie et de chants d'oiseaux envolés. Ainsi s'achève Maldon d'André Lichtenberger.